Bonjour, voilà, je suis Saki. Je vous parle en direct de la prison de Birkendal. Gigi, qu'est-ce que tu souhaites faire en sortant? Continuer ma vie dehors, comme j'ai appris à la faire ici, en prison, c'est-à-dire travailler, avoir des activités, des loisirs, des relations, réaliser tout ça plus concrètement, grâce à l'aide de la réinsertion. Je suis toujours un petit peu à la recherche de la vraie réinsertion. Qu'est-ce que c'est la réinsertion? C'est une utopie pour moi, hein? Surtout pour les personnes qui sont comme moi, avec un lourd dossier. Comment comptes-tu t'y prendre une fois en sortant? Je verrai bien par rapport aux contacts assez nombreux que j'ai pour le moment, par rapport aux travailleurs sociaux, psychosociaux extérieurs, assistantes sociales, psychologues. Ça se passe comme ça pour le moment, puisque je n'ai pas encore de permission de sortie pour pouvoir aller les rencontrer à l'extérieur. Je dois faire ça par personne interposée au départ de la prison, mais je ne peux pas apprendre à les faire, même s'il y a des choses qui ont changé, par exemple style carte d'identité, carte de banque. Le jour où je vais sortir de prison, je vais découvrir tout ça, alors que ce serait bien plus intéressant d'obtenir cette réinsertion petit pas par petit pas, savoir. Est-ce que la carte SIM à la mutuelle, ça existe encore? Enfin, des choses comme ça, c'est des choses que j'apprends parfois par hasard. Le jour où je sors de prison, ça va être spécial.